de Silo hen à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hen à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hentar Brezhoneg. On commence comme d'habitude avec le Gariou Arvué, l'émission 436, Perrand Rouer à Trégon. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va voir un mot qui est très courant, hein, Korf. K-O-R-F. Et donc, c'est un mot qui vient du latin corpus et qui veut dire corps. Donc comme c'est un mot masculin, le K va devenir C'H après l'article, ça donne Horf. Et le pluriel, c'est Korfu. Alors, on trouve d'ailleurs à peu près la même chose en cornique, en gallois et même en gaélique, hein, à peu près les mêmes formes, dérivées du latin aussi, hein, du latin corpus. Alors le latin corpus donc a donné le mot corps en français, avec c'est pour ça qu'il y a un P, hein, donc qui a été rajouté à la Renaissance, hein, en fait, pour rapprocher de la racine latine. Et il existe également en français encore le mot corpus, qui désigne un ensemble de données, hein, un domaine particulier. Voilà, on dit un corpus, hein, pour un ensemble de données dans un domaine quelconque. Voilà, alors donc Horf et Korfenden, hein, le corps de l'homme. Voilà, alors c'est très employé, le mot a été très employé dans les textes religieux, par exemple dans les cantiques, hein. On dit Walid Korfagine, hein, protégez-nous, corps et âme. Hein, Korfagine, c'est la traduction littérale de corpus et d'anima. Hein, corps et âme aussi en français. Voilà. Alors, on emploie parfois, on dit Korfenden ou Korfden. Hein. Par exemple, en assimilant le corps à la personne, on dit au pes Korfden, c'est-à-dire un sacré costaud, un balèze, quoi. Voilà. Une armure. Ouais, une armoire à glace. Voilà. Et alors le mot corpus qu'on emploie souvent dans les domaines scientifiques et littéraires aussi. Oui, un corpus de texte. Voilà, un corpus de texte. Hein. On le retrouve aussi en breton. Là, on vient de mettre en ligne le Meurgorf, donc qui est un ensemble de données sur la culture bretonne, qui vient d'être mis sur internet là il y a pas longtemps. J'ai pas vu, mais je crois, j'ai lu dans l'Ouest Éclair, donc ça doit être vrai. Voilà, on dit Horvlond aussi, hein, même au sens figuré. Horvlond, c'est le corps d'un animal, quoi. Mais des fois on emploie ça au sens figuré, un peu dans le même sens, hein, pour dire un costaud, hein. Et on peut dire aussi Horfmadelond, hein, un sacré corps d'animal. Des expressions, Breivnesigorf, hein, il s'est éreinté, hein, quand on a fait des excès de travail, par exemple. Korfuskorf, hein, corps à corps, hein, Gouren. Oui, au Gouren, par exemple, hein, Korfuskorf. Voilà. Alors le mot Korfmar signifie cadavre, hein, mais en général on précise pas, on dit Horf, hein, bon, quand on dit la levée du corps ou des choses comme ça. Comme en français. Comme en français, le corps, hein, voilà. Mais le mot cadavre lui-même, c'est Korfmar, ce serait pour insister sur le mot cadavre. Il paraît que c'est employé aussi dans certains cas pour désigner les bouteilles, comme en français, les bouteilles vides. D'accord. Mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Hein. Mais il paraît que ça se dit aussi. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça dans Jules Gros. Bon. Ça désigne aussi, par exemple, Corvilis, c'est la nef, hein, ou Corvenilis, hein, c'est la nef, hein, parce qu'on compare l'église à un corps, puisque il y a des bras, hein, les bras du transept, hein. Donc Korvenelis, hein, voilà. Alors Korf, il y a des dérivés, des mots dérivés. J'ai oublié de dire, il y a une expression aussi qu'on entendait souvent autrefois, Korvrochette. Korvrochette, c'est en bras de chemise. Hein. D'accord. La bourrade Korvrochette. Hein. Voilà. Alors des dérivés comme corvade. Alors corvade qui est une ventrée. Alors il y a souvent confusion entre corvade et covate. Hovat, c'est pareil, c'est une ventrée hein, quand on a fait des excès de table. Mais corvade c'est plus fort quoi. Hein. C'est-à-dire on n'a pas rempli seulement le ventre, on a rempli le corps. Hein. Corvade c'est encore plus fort. Et donc le verbe corvatan, corvata qui veut dire s'empiffrer. Alors aussi un adjectif corfec hein, qui veut dire baraqué quoi. Hein. Qu'on entend aussi en nom de famille assez souvent. Oui, alors justement, j'allais le dire, le corfec, hein, le nom de famille. Il y a corvdir aussi, cordacier. Hein, oui. Et corvélère, corvélec, hein. Voilà. Et donc, corfec est relativement répandu. Oui. Alors, ici, on le prononce corvec. Hein, parce que le F final. Par ici, c'est presque un V, quoi. On trouve souvent ça, quoi. Voilà. Corfant. Corfant, c'est prendre du corps, hein. Prendre de la chair, hein. Se muscler, ce serait pas mal. Et le participe passé, c'est corfait. Et on disait, par exemple, « plar corfed mat », une femme bien, bien roulée, on dirait, aujourd'hui. Voilà. Et aussi, « corféles », la corpulence. Voilà, quelques dérivés de « corf hein. ». Donc, un mot facile à retenir, qui ressemble pas mal au mot français, puisqu'il a la même origine. Mm. Hein. Et puis, facile à utiliser. Sais-tu ?« Remember tom tro war a horf ». On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek Tant Matant. Deuxième partie d'émission, Brezonek Tant Matant. Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de la façon dont on crée des néologismes. J'avais lu dans un article, c'était dans le Trégor, un adversaire de la langue bretonne, un adversaire très virulent, qui disait que la langue bretonne ne pourrait survivre qu'en créant plein de néologismes. Des nouveaux mots. Des nouveaux mots. Ce qui est une évidence, puisque toute langue, pour s'adapter, a besoin de créer des néologismes. Et c'est un peu paradoxal de reprocher ça à la langue bretonne, parce que justement la langue bretonne excelle dans la création de néologismes. Puisque on prend, pour faire des néologismes en breton, on prend des mots ou des racines dans la langue elle-même. Ce qui fait qu'il y a une grande homogénéité et que souvent un néologisme va être compris tout de suite. Mm-hmm. Par exemple, on va dire, quand on dit harnige, on va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'une charrette volante, hein, donc d'un avion. Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Si on dit pelgoms, par exemple, on va comprendre tout de suite, en faisant un petit effort, qu'il s'agit de quelque chose qui envoie la voix loin, hein, pelle loin et, mm. et comes la voix. La voix, la parole. Donc, en fait, on a une façon de créer des néologismes qui est, je dirais, plus naturelle. Moi, j'appelle ça des mots racines, c'est-à-dire des mots qui sont des mots courts en général et qui vont s'emboîter pour former des mots plus longs qui sont des néologismes. Alors, y en a certains qui sont un peu trop longs, hein. Moi, j'aime bien quand même quand on fait des néologismes en idigues, par exemple, des fois on va un petit peu loin. Et ça, le génie de la langue bretonne, c'est dans ce cas-là, c'est de tourner les choses autrement, quoi, pour ne pas avoir des substantifs trop longs. Alors que le français, hein, qui est la forme moderne du latin, le français va prendre des racines anciennes, des racines grecques ou des racines latines. Oui. Pour former des néologismes. Et ça, c'est depuis la Renaissance. D'ailleurs, ça m'amuse des fois quand j'entends parler de la langue de Molière, parce que Molière, il n'y comprendrait pas grand-chose. Hein. Je pense que Molière, devant un journal de 20 heures, il arriverait peut-être à savoir à peu près de quoi ça cause, mais tout juste, quoi. Mais pour la langue de Shakespeare, c'est pareil. Hein. Shakespeare comprendrait pas grand-chose à l'anglais d'aujourd'hui. Et donc, on prend des racines. Des racines anciennes, des racines latines ou grecques. Par exemple, tout ce qui concerne l'eau, les dérivés à base d'eau, on va prendre aqua, par exemple, la racine latine, hein. Un aqueduc, par exemple, hein, un aquarium. Hein. Alors, on va pas prendre le mot eau. Il y a pratiquement pas de mots qui sont dérivés du mot, à part l'eau forte, par exemple, hein, pour la gravure, ou bien il y avait un mot toujours qui est l'évier, hein, qui vient du mot Ève, hein, qui désignait en vieux français l'eau. Mais il y en a très peu. En général, on prend aqua, hein, aquarium, aqueduc, alors qu'en breton, par exemple, pour un aqueduc, on va dire d'ourbond. Mmh. Voilà. Et alors, on prend aussi la racine hydro, hein, hydro. Donc, où il y a hygros aussi, hein, pour l'humidité, par exemple, hein, l'hygrométrie. Hein. Et hydro, alors là, hydraulique, etc., il y en a tout un tas. Hein. Donc, on fait du... Alors, quelqu'un avait parlé de... C'est Claude Duneton, je crois, du franc grec et du franc latin, quoi. Parce que Étienne l'avait parlé du franglais. Donc, lui, il avait parlé du franc grec et du franc latin. Alors, on va avoir... par exemple, quand on dit l'orthographe, hein, c'est graphein, le verbe écrire, hein, et on prendra scrid ou scrive en breton, hein, voilà. Et puis il y en a beaucoup comme ça, quoi, hein, des mots comme ça qui sont des racines grecques et latines qui sont introduites dans le français et qui donnent par exemple, un hippopotame, c'est le cheval du fleuve. Hein, ça donne jodour en breton, c'est amusant parce que moi, j'aime bien raconter des histoires là-dessus parce que c'est un animal qu'on rencontre assez rarement dans nos rivières. Hein. Plutôt rarement. Ouais, ouais, voilà. Et donc le breton a cette faculté justement de forger à partir de mots racines. Ben, la prochaine fois, on prendra peut-être encore quelques exemples sur ces mots racines par rapport aux mots... aux racines latines et grecques qui sont utilisées pour le français. Très bien. Merci Henri, on passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevi-Avrou. Thank you. Troisième partie d'émission, Petra zo neve ur vro eri. Ma kalze draou zo neve ur vro, hag ham de gomans vel kustum, ki es a kustum gant e la bourdouar hag ur vue war ar mez. Erion bremañ ba namz ur an distro skol, pe un diska ramz, tramene de nan, hag braouar ebet un namz ur benefin, pa de nan, neus ke me ba mizez oa vreskor an tamm, ben de drevraz man bet braouar un namz ur amman, vid lerel ba brovranz. Hag setus obet kalz e dourist de ba broez, blam, bon dreistol evel just war nod ou, hein. Mais même sera avec Wellet, on ne bat mal de tonnes de vacances, si vraiment, bah, Chris Bryce, avec, Zézon Dravad, vide un dude, vide quand d'Aran Prédou, avec, vide une économie aux œuvres, avec, Kals Drau, Vekinig, de Réta, de Féage, Yam, bah, Bryce, d'Ascouer, Blasso, Musguel, Vigégrède, Quintelio Danse, vide un touriste, de, bon baléaden ou monte velentrau, bon, hag bon zezon dravat, hag moyen zo de grez ki c'hoaz war an dachenz. Bakarez, vit komz an tamm de zo labour dou a c'hoaz zo o sakre labour bromen gant e stal lab sinutra, vit op ur lez dizeret, hag ba daou vil pemzeg vo digor de stal, hag vo implijet kalz e lez, vikaz de brochin ou aler o vech dizeret, quoi. Me sra zo bet ur gwalzar vout zo bet, peut zo bet lar et om den war chantir ar en eus ke gwal bel zo. Met bon, disement kon. Bon, setu vid ur stal sinutra, vel meus lar et ba kreiz o blan daou vil pemse ket lefe bout digoret. Bon, hendel meus beklev doa Ouais, ma tre guinis au bezer de Breis, lui, perrug un dragon bopet de zor guinis, zo bet de zer en ma, drog glo, hag hornio well de ze France, ne manque kon ma meus mot, pe dur bon guinis oa ke gwal vat, se tu bromet ve klas ket war guinis Breis, evit ober bar, ma trez en vo ben blaio de zon, vo kresk de guinis d'or bar. Bon. Kakal ze gunis ve gret evit de londe de vel just. E breiz bromen war on da chanel ve zavet kaz e dluzet pe truit et vel ar en certain tut. Hag en dluzet zo londe de an inke custum de zi bi planten ou da bleut. Hein. Me bleut temoñ me de bleut de gret gant peskedel. Hag ba suzan ar men klas ke pe sa modre ve fe be moyen de var gant Ur pesket ze, en luzet gant planten ou evel kolzav, pe maiz, a mezan olen tost de zon de bende ze, hag masen prestit vo kav de ba war marad de luzet maget gant planten ou, de truit vegetarien. Bon, a zive fe be mal vid an andro, ka, bon, pe ve implijet reo le bleu de pesket ba nek mat vin an andro. Enfin, gwellet vo pe sa mod vo kon, ma vo kav deus en dluz et sa. Bon, o ve ger de un trevadou, ve amz ar homis au, hag ar zo bet de homis ba kalan el vid kanton Kalak, a ba la rue el vid kanton Jean Nicolas. Hag ba homis ve kalz dud, met neup tor lond zo me mestra vid gwejen, a don magie ka homiz oa oler plijus de non gav ou de hag zur war vo red klask pesamo de ober evit digas lond en roaz war homiz gwellet vo pesamo vo kont ba pleug ar neke de homiz zo bin met de gwell vid patates pe gwell pato pe dur gouderet ba pleug oa bet krou de ur pato BF Pemzak, hag boe bon e deud de pleug de vout un tamm tier ben de pato. Hag ous penzi zo gret o l'air evit miro de wenu, l'air zo mezon kan a perug un wen pato. A setu bon gwellare da pleug pe vela, pe pieu vel vela ba galowek, zo kier ben ur patates, pe pato, amma velar de pato. War an daschen labour dou a roaz vijen amzer eve kondanglet bro vrans gant les warn bro europa evit an itratet. Peguir e di efedus politiker ez bro hal war an daschen ze. Hag bon vijen amzer dis eve kondanglet bro vrans ve tamal et bro vrans pu dur ne ke vidon de ben deus kuden nitratet. On tant moi ma station ne ce que quoi le belzo a beder foire biozone ba mur a gazi et blanc me roi comme ze calze en dur a calze dut so bit ba voir biozone ba mur non que bit non non mi non que bit blanc me mais ne blanc ba trezen bon war war en dachenel roise la bourio vegre vogre bromen war lignen hentour entre gwen grand macares pas de bêta fine mise du me semble à genevo que train au tin war linenz c'est tu vos ret tapo kiri boutin à ba place en traio à ma me smode vos gred war très ploir et dans la nuit zezo pas de permis me semble bon c'est tu bon zezo zeblan mat comme avait les gred la bourre war lineno hentour les zeblan mat et visé évidemment vos digor de poulnaï al bagouarek, bon zezo bet gret gant CCKB, hein, bon vil klasken er an bopet, hag bon bremañ zo moyen dont de naï al de gouarek, hein, hag zezo an drava de vel just evit ar vro. A bagouarek zo bet igor neus ket gwall bezo hoi koz, met bet en han nevezet, hag bon vo moyen d'or kalz e draou ba ho u ba gwar hag. Bon ki ele ir mad evit gwar hag. Hat krog me vel meus laren hat krog an e skol a kalz e reuz zo bet de blam gant pe dur zo e chanj de lusk hein, bron war skol ave la bourre de mer ar de beur a setu bon e chanj a kalz e draou evit ker an d'ar vugale bon hag gret ve traou neve ba skol un tap ve gret ze. Bon, vid an brezon n'eo ne ke chanche kalz un traou, vel just un peu dur ester tre, krou in klas o neve ba n'enten di ou yezek. Me mestra, traou ar meus gwellet oa gret an dra brau, war dach en eus evenadur, gant zo gret or garten neve deus breiz, gant daou gelener an an zo deus kalak, hein, Mikael Koumeler, me zan, deus ke jonk, neus gred ze gant onel, hag zo breiz gant pem departement, hag garten ze zo warantu zo galag a warantu el zo brezondek. Hag vo kasse de skolioù houl oze, hep peyant, pudur e peet gant rand vro hag un daou gelener an eus labour de eioul vat, viman. Bon, ba fin miz her e oaz pe vem komz deus leverio, vo gred gwell ar leverio ba karez, hein. Bon, zizo ondra vat, hein, or salon ze leverio, a blam oaz vo gwell kalz skrivan erien o ton de Guinig Oliverio de Lenerien. Comme je meus déjà, il y a de ce hoi guarek, ne ce que quoi le belzo, ou un temps, moi, ma moustache, n'est que de Oliverio meilleur film, ou à gueuler film, ou bah, douarnené. A blanc, ou à treudoir, je vis d'or film, ou à brezonne, plus dur, ne voit que mes d'or film, brezonne, à oua, un dianav rog han on est han un films ou han que de Peter Gomes hein, mais à 13 ans vous gueule on riche penek va un petit menek parce que voir un même spiou de ce grand film ou que là que voir un gazette hein, l'hermes l'énergie bon ne ce que quoi le pelzo roi ou abélide de diabla nugens et diabla skolu Locarne, in galag e l'Institut de Locarne, ou a bekrou et gant Yanber Ror a Joseph Le Bihan, zo guinig deus Locarne. Bon, be peus tro zo war de gled Joseph Le Bihan war Hogin ou RKB, ben, là-bas, d'un tu 2 euros. Bon. Hendel, oise, bon, ben, ben, lycée Diwan, ben, Carrez, zo, très grande scolia de mur blanc, hag, m'avait d'air à 10, vous red, bras à de school, à pétanman de Ronel. Bon, mon classe good, pésamo de ben. Bon, sais-tu, grand-mère, mon temps trop, ou arpessonné vers vro, que bénévégé le volard, oise. Que n'avez-je l'air? Ja, t'es l'envégé, l'année.